C'est bon? Voilà. Bien. Bonsoir à tous. Nous arrivons maintenant à notre avant-dernière étude sur l'évangile de Matthieu. Bien entendu, nous sommes très loin d'avoir épuisé le sujet. On a été obligé de passer rapidement sur un certain nombre de textes, notamment sur ce qui concernait des actes de Jésus. On s'est plutôt arrêté sur les discours. Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur le cinquième grand discours de Matthieu. Nous avons vu que l'évangile de Matthieu est articulé entre cinq grands discours de Jésus, c'est-à-dire que Matthieu a groupé les paroles de Jésus qui, dans les autres évangiles, sont un peu dispersées dans tout le livre. Il les a groupées en cinq grands discours pour montrer que Jésus est le nouveau Moïse qui donne une nouvelle Torah et que son évangile est la Torah qui avait été annoncée par Moïse que le prophète, selon Moïse, devait donner aussi au peuple. Et donc, de la même manière que la Torah de Moïse a cinq livres, la Torah du Messie, la deuxième Torah du deuxième Moïse, a aussi cinq grands discours. Le dernier de ces discours concerne les choses dernières, la fin des temps. On les trouve dans le chapitre 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. Et nous avons deux textes parallèles dans les deux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc et Luc, dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc et dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Les discours qui nous sont rapportés dans les deux premiers évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, sont grosso modo semblables. Luc diffère un peu, dans ce sens qu'il a gardé le souvenir de paroles de Jésus que les deux autres évangélistes ont omis. On va faire la lecture de ce texte tout en se référant aussi de temps en temps à l'évangile de Luc pour compléter ce qui peut paraître obscur dans l'évangile de Matthieu. On va lire ce texte. Il est long, mais je pense qu'on va prendre le temps de le lire parce qu'il est extrêmement important. Donc Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui et lui ont fait remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous de tout cela, en vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies, de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Je vous le prédis, si donc on vous dit, voilà dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venir sur le nid du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. En vérité, je vous le dis, il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ils rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, pas le jour où votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi je vous dis aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà, nous avons ici un texte fondamental que l'on appelle les discours eschatologiques de Jésus ou les discours apocalyptiques de Jésus, c'est-à-dire le grand discours sur la fin des temps. Resituons peut-être tout d'abord ce discours dans son contexte. Jésus se trouve à Jérusalem pour la fête de Pâques et il vient d'entrer à Jérusalem sur l'âne des rameaux et pendant la semaine de Pâques, il enseigne dans le temple. Personne ne veut mettre la main sur lui, on verra pourquoi la prochaine fois. Et donc, Jésus sort du temple pour retourner à l'endroit où il passait la nuit. Il faut dire qu'à l'époque de Pâques, la population de Jérusalem triplait. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 300 000 personnes à Jérusalem pendant la fête de Pâques. Alors, bien sûr, il fallait loger tout ce monde-là. Alors, on avait des auberges, ou plus exactement des caravansérails. Il y avait aussi des gens qui avaient de la famille, des amis à Jérusalem qui pouvaient les héberger. Et puis, il y avait ceux qui, tout simplement, faisaient du camping sauvage en plein air, dans les environs de Jérusalem. C'était le cas de Jésus, qui logeait donc, si j'ose dire, dans ce fameux jardin de Gethsémané où il sera arrêté. Donc Jésus sort du temple où il a enseigné dans la journée pour passer la nuit dans ce jardin de Gethsémané. Et au sortir du temple, les disciples lui en font remarquer la beauté. Le temple de Jérusalem, reconstruit par Hérode, était une des merveilles du monde ancien. Et la littérature rabbinique nous dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode dans toute sa splendeur n'a jamais rien vu de beau pendant sa vie. Et les disciples, en sortant du temple, en tant que juifs, bien sûr, sont très fiers de leur temple. Et ils font admirer à Jésus la splendeur de cet édifice. Et Jésus va doucher leur enthousiasme, leur disant, ben oui, mais de toutes ces merveilles, il ne restera pas une pierre sur l'autre qui ne soit renversée. Douche froide pour les disciples. À vrai dire, nous aurons l'occasion d'y revenir, ça n'est pas la première fois que Jésus prophétise la destruction du temple. Mais là, il le fait d'une manière qui, d'une certaine manière, choque les disciples. Destruction du temple, c'est difficilement concevable. Le temple, c'est en quelque sorte le rempart contre le déferlement des puissances des ténèbres, des puissances du mal. Si le temple est détruit, eh bien, ça veut dire que le monde ne peut plus subsister. Et les disciples disent, ben, s'il en est ainsi, alors ce sera la fin du monde. Ce sera ton retour et la fin du monde. Sans le temple, le monde ne peut pas subsister. Et puis, deuxième question, ou première question des disciples d'ailleurs, quand cet événement arrivera-t-il? Quand ce temple va-t-il être détruit? Et là, les disciples posent à Jésus une question. Ils disent, mais quel sera le signe? Et ça, c'est très intéressant. Nous avons ici un singulier et non pas un pluriel. Non pas quels seront les signes, mais quel sera le signe. Ça veut dire qu'il y a un seul signe qui devra être pris en compte, un seul signe qui sera significatif et qui indiquera que la destruction du temple est imminente. Alors, évidemment, nous avons vu que pour les disciples, il y a une corrélation immédiate entre la destruction du temple et la fin du monde. Et Luc ne mentionne que le signe qui concerne la destruction du temple. Seuls Matthieu et Marc font le rapprochement entre la destruction du temple et la fin du monde. Quel sera le signe de la destruction du temple et par conséquent de la fin du monde qui en résultera? Et Jésus va remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Et bien souvent, ce grand discours sur la fin des temps n'est pas tout à fait compris. Première chose, Matthieu nous dit que Jésus s'est installé avec ses disciples sur le mont des Oliviers. C'est un détail qui n'est pas sans importance. Le mont des Oliviers est en effet une montagne d'où l'on domine toute la ville de Jérusalem. Et de nos jours encore, au sommet du mont des Oliviers, on a une vue absolument magnifique sur la ville de Jérusalem et au premier plan sur le temple, ou du moins aujourd'hui les mosquées qui ont remplacé le temple. Donc d'abord Jésus ici peut expliquer de visu ce qui va se passer, mais il y a un autre détail, c'est que dans la tradition juive, le mont des Oliviers est le mont des choses dernières et la montagne de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans le chapitre 14 du livre de Zacharie que, au temps de la fin, lorsque Jérusalem sera investie par les nations qui chercheront à la détruire, eh bien, le Seigneur enverra le Messie dont les pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Par conséquent, le mont des Oliviers est la montagne des choses dernières. Et la venue du Messie sur le mont des Oliviers provoquera un autre événement essentiel pour la foi d'Israël et pour la foi chrétienne d'ailleurs, qui en a hérité, c'est la résurrection des morts. Ceux qui connaissent un peu Jérusalem et qui connaissent donc ici le Mont des Oliviers savent que le versant occidental du Mont des Oliviers est en réalité un immense cimetière. Sur des kilomètres et des kilomètres, il y a des tombes dont certaines remontent à des temps extrêmement reculés. Depuis l'époque, disons un peu avant l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs souhaitaient être enterrés sur le Mont des Oliviers, et de nos jours encore. Des Juifs fortunés qui habitent aux extrémités du monde, à Melbourne, à Miami, à Los Angeles, à Berlin ou ailleurs, après leur mort, se font transporter à grands frais à Jérusalem pour être enterrés sur le Mont des Oliviers. Pourquoi cette volonté d'être enterré à cet endroit-là? Eh bien, parce que, un peu naïvement, on considère que puisque le Mont des Oliviers est la montagne de la résurrection, et la montagne où se poseront les pieds du Messie au dernier jour, événement qui déclenchera la résurrection des morts, on estime que plus on sera proche de l'endroit où l'événement se produira, plus on aura de chances d'y participer. Et je me souviens de ce pasteur, de mes amis avec lequel je traversais il y a quelques années de cela le Mont des Oliviers et ses cimetières, traversions ses cimetières, et il m'a dit « Est-ce que tu crois que je pourrais être enterré ici ?» Je lui dis « Oui, peut-être bien. » Seulement le problème c'est que, voilà, c'est pas donné. Mais tu sais, de toute façon, je dis, que tu sois enterré ici ou que tu sois enterré ailleurs, ça ne changera rien. Quand le Seigneur viendra, eh bien, tu ressusciteras exactement comme ceux qui sont là. Mais, voyez-vous, cette présence de ces cimetières sur le Mont des Oliviers montre cette foi du peuple d'Israël dans la résurrection. Et, par conséquent, le Mont des Oliviers est à la fois le mont sur lequel le Messie posera les pieds et la montagne de la résurrection. Intéressant de noter que le plus grand miracle que Jésus a fait dans sa carrière, ça a été la résurrection de Lazare. Il avait ressuscité des morts auparavant, seulement Lazare, quand il l'a ressuscité, était déjà depuis 4 jours dans la tombe, et vu la chaleur en plus de ça qu'il y a là-bas, la décomposition du cadavre était déjà très avancée. Et par conséquent, ici, c'est le plus grand miracle que Jésus a réalisé. Il l'a réalisé à Béthanie. Béthanie est située sur le Mont des Oliviers. Et Jean, qui est le seul à nous rapporter cet épisode de la résurrection de Lazare, rapporte une des 7 paroles où Jésus emploie le mot « je suis ». L'évangile de Jean est jalonné de 7 affirmations où Jésus dira « je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, etc. C'est en relation avec le nom de Dieu, bien sûr. Le nom de Dieu qui s'appelle « je suis ». Et lorsque Jean nous rapporte ces 7 paroles, ces 7 « je suis » de Jésus, il réaffirme aussi la divinité de Jésus. Et un des 7 « je suis » de Jésus a été prononcé précisément devant le tombeau de Lazare au moment où Jésus allait le ressusciter. Et cette parole était la suivante, « Je suis la résurrection et la vie ». Et voyez-vous, Jésus a prononcé cette parole, « Je suis la résurrection » sur la montagne de la résurrection et la montagne des choses dernières. Intéressant aussi de noter que, après la résurrection, au moment de l'ascension, quand Jésus va remonter au ciel, il nous est dit, qu'il emmène ses disciples sur le mont des Oliviers, et c'est du mont des Oliviers qu'il va remonter dans la gloire du Père. Et quand il a disparu aux yeux des disciples, des anges viennent dire à ces derniers, « Homme de Galilée, pourquoi avez-vous les regards tournés vers le ciel ? Ce Jésus que vous avons vu monter au ciel reviendra dans les mêmes conditions, au même endroit, de la même manière, c'est-à-dire précisément sur le mont des Oliviers, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie 14, « Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers ». Donc il s'assit sur le mont des Oliviers. Et c'est sur le mont des Oliviers, montagne des choses dernières, que Jésus va donner le grand discours sur les choses dernières. Quel sera donc le signe de ton retour et de la fin du monde? Et Jésus commence d'abord, et ça on le comprend souvent très mal, par évoquer ce qui pourrait être considéré comme des signes et qui en réalité ne le seront pas. Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes, des tremblements de terre et jusqu'à des persécutions. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, ne soyez pas troublés, parce que ce sont des choses qui doivent arriver et ce ne sera pas du tout un signe de la fin. Et ça c'est très important parce que très souvent justement on fait cette erreur de dire, eh bien voyez-vous, il y a eu tel tremblement de terre à tel endroit, un tsunami aux Philippines, une crise économique, des épidémies, etc. Ah, voyez-vous, c'est la preuve que Jésus revient. Non, absolument pas. Et si tant de générations, d'ailleurs, avant nous, ont cru qu'elles vivaient les temps de la fin, eh bien justement, c'est parce qu'elles se sont complètement méprises sur ces paroles de Jésus. Je pense par exemple à la génération des Huguenots, qui au moment de la guerre des Cévennes, des persécutions, de la révocation des édits de Nantes, ont cru, à cause des persécutions qu'ils subissaient, que précisément ils étaient la dernière génération, et ils se sont trompés. Parce que Jésus dit, eh bien, même la persécution ne sera pas un signe de la fin. Par conséquent, ici, des signes qui n'en seront pas. Mais Jésus dit ceci, ça sera, ces événements difficiles, ça sera seulement le commencement des douleurs. Et Jésus ici nous donne une sorte de chronologie des événements de la fin. Premièrement, destruction du temple et de Jérusalem. Et de fait, comme les disciples l'ont bien compris, cet événement aura un caractère et une dimension eschatologique. Ça sera un signe de la fin. Ça sera le signe de l'enclenchement des événements qui aboutiront aux choses dernières. Et pour reprendre une expression que l'on doit à Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, la destruction du temple, ce sera le commencement de la fin. Mais le commencement seulement. Et Jésus découpe en quelque sorte la réalité de la destruction du temple et son retour. Entre ces deux événements ne seront pas conjoints comme les disciples l'imaginent, mais ils seront séparés par un long temps. Et ce long temps, eh bien, il sera marqué par, effectivement, un temps où toutes sortes de troubles pourront se réaliser. Mais, en soi, ces événements-là ne signifieront pas que le retour du Seigneur est imminent. Ce sera le commencement des douleurs. Et ces expressions, les douleurs, elle est empruntée au judaïsme de son temps. l'idée que l'on a dans le judaïsme de l'époque de Jésus, c'est que le royaume messianique, le royaume de Dieu, ne vient pas d'une manière facile, harmonieuse, mais par une série de crises, et par une crise douloureuse, qui a d'ailleurs été prophétisée par le prophète Daniel, comme Jésus le dira, et qui est semblable aux souffrances d'un enfantement. Ça veut dire que, de la même manière que l'enfant naît dans la douleur, le royaume messianique, lui aussi, naîtra dans la douleur. Et on appelle ça en hébreu Yisure Mashiach, ou Révélé Mashiach, ça veut dire les douleurs de l'enfantement du Messie. Et une expression qui est employée aussi, qui rejoint exactement la même pensée, c'est le mot Mashber, une crise. Ce sera une crise douloureuse. Et il est intéressant de noter que ce mot Mashber en hébreu signifie effectivement une crise, mais aussi le siège sur lequel la femme accouchait. À cette époque-là, les femmes accouchaient assises sur un siège, et donc le siège sur lequel la femme était assise s'appelait Mashber, une crise. Donc ici, nous retrouvons cette idée d'une crise de l'enfantement messianique. Ce sera le début des douleurs de l'enfantement. Maintenant, cette expression, les douleurs de l'enfantement messianique, elles ont deux interprétations dans le judaïsme. La première, c'est les douleurs que le Messie lui-même doit subir pour établir le royaume de Dieu. Et ça, vous trouvez ça dans la bouche de Jésus, notamment dans Luc 24, quand il dit aux disciples d'Emmaüs, Jésus, « Homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses pour entrer dans sa gloire ?» Donc, souffrance que le Messie doit subir, mais aussi souffrance que le peuple de Dieu et le monde entier doit subir pour que s'établisse le royaume messianique. Et cette idée, elle est tirée de chapitre 12 du livre du prophète Daniel, où il est dit « dans ce temps-là », c'est-à-dire le temps de la fin, alors il y aura une détresse, en hébreu ça se dit « et tsara », comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. Et Jésus ici reprend cette expression. Il nous dit donc que deux choses. D'abord, il nous dit ce sera un temps où de nombreux faux prophètes s'élèveront et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un commentaire, effectivement, de ce verset de Daniel 12 que nous avons évoqué. Et les rabbins ont tiré de ce verset l'idée que la crise de l'enfantement messianique que nous avons évoqué tout à l'heure sera caractérisée par une révolte. Révolte de l'humanité tout entière contre Dieu et aussi d'une partie du peuple d'Israël contre Dieu. Et cette révolte, eh bien, elle entraînera ce que on appelle l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, le reniement. Il est question ici de trahison et de reniement. Et ce sera une des marques de la fin de la dernière génération. La dernière génération sera une génération de révoltés qui se révolteront contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu, contre le Messie, contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et en fin de compte, contre Dieu lui-même. Cette apostasie, elle est aussi prophétisée, bien sûr, par le prophète Daniel, nous l'avons vu, en montrant que c'est une révolte contre Dieu, mais on retrouve ça aussi dans le psaume 2. psaume qui est un psaume qui touche les choses dernières et qui évoque justement cette crise finale que nous avons évoquée. Vous dites ici, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces remue-ménages parmi les peuples? Les peuples se liguent ensemble et les chefs des peuples tiennent ensemble des complots pour se dresser contre l'Éternel et contre son Messie. Et la suite continue en disant, brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. Et un vieux commentaire que l'on a retrouvé à Qumran parmi les manuscrits de la Mer Morte pose la question, de quelle chaîne et de quel lien, au temps de la fin, les nations chercheront-elles à s'affranchir? Et la réponse est celle-ci, des liens de la Torah, de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui aura, comme nous l'avons vu, ou nous allons voir dans un instant, atteint les extrémités de la terre, et qui finalement, au temps de la fin, apparaîtra aux nations comme un fardeau absolument insupportable. Et elles diront, il faut nous affranchir de ce qui est en réalité une entrave à notre liberté. Bon, il est intéressant de noter que depuis mai 68, on est dans une perspective de ce genre, avec le fameux slogan « interdit d'interdire », qui était le mot d'ordre essentiel de la révolution de mai 68 et qui a entraîné toute cette apostasie à laquelle nous assistons aujourd'hui, la révolte contre toutes les lois de Dieu en particulier. Ça a commencé par l'avortement, ça a été le divorce facile, ça a été l'homosexualité, le mariage des homosexuels, et ça continue de plus belle. Maintenant, on descend de plus en plus dans cette révolte contre Dieu, cette volonté de mettre la parole de Dieu hors la loi. Et il y a quelques années de cela, à l'occasion d'une assemblée générale de l'ONU qui se tient tous les ans en septembre, un délégué monté à la tribune et devant l'ensemble des représentants des nations qui étaient là a déclaré ceci, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les 10 commandements sont abolis. Et ça a été reçu par un tonnerre d'applaudissements par l'ensemble des délégués qui étaient là. Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Ils renieront le maître qui les aura rachetés. Et parce que l'iniquité, le péché se sera accru, et nous arrivons maintenant à un degré dans notre société où le péché a atteint un niveau inimaginable, comme le disait avant sa mort, qui a déjà eu lieu depuis quelques années, notre frère David Wilkerson, nous sommes devenus pires que Sodome. Car à Sodome, on n'a jamais osé dire que l'homosexualité, qui pourtant était répandue, était un mariage. Nous sommes les premiers à avoir osé dire une chose pareille. Nous sommes les premiers ici à imaginer pouvoir bidouiller le génome humain pour créer un surhomme, pour créer un homme qui prendrait la place de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu, comme l'a annoncé l'apôtre Paul quand il commente justement ce texte de Daniel sur l'apostasie des derniers temps. L'homme qui se dresse contre tout ce que l'on appelle Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. On en est là aujourd'hui. Et aujourd'hui on est en train de fabriquer dans les laboratoires de véritables monstres qui seront finalement, on ne sait pas ce qui va véritablement sortir de ça. On fait le pari que ce sera pour un mieux, mais finalement, qui peut l'affirmer? Qu'est-ce qui va sortir de ces manipulations génétiques, de cette hybridation qu'on est en train de nous préparer entre l'homme et des robots? Cet essor de l'intelligence artificielle qui risque de dépasser l'intelligence humaine. On est en train d'entrer dans une pente dont on ne reviendra pas, c'est impossible, on ne reviendra pas en arrière, mais qui pourrait aboutir à des catastrophes. Donc ici, nous sommes à fond dans cette apostasie dont Jésus a parlé. L'iniquité se sera accrue. On cherche maintenant à fabriquer des êtres hybrides qui ne seront ni mâles ni femelles. Les femmes seront libérées de ce que l'on appelle le fardeau de la maternité, parce que ce sera maintenant des utérus artificiels qui vont permettre d'enfanter les enfants, si bien que il n'y aura plus qu'un seul genre, un individu androgyne qui sera à la fois mâle et femelle et qui pourra avoir à la fois des relations hétérosexuelles et homosexuelles. Donc ici, nous avons dépassé tout ce que les générations les plus dépravées dans l'histoire ont connu, et notamment justement cette génération de Noé que ici Jésus évoque dans le texte que nous avons lu. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit Jésus, sera sauvé. C'est tiré aussi de la fin du livre du prophète Daniel. Heureux celui qui... Ichaké en hébreu, alors ça se traduit par qui attendra, qui espérera, qui persévérera. Ici, le texte grec l'a traduit par persévérer, mais ça veut dire tout ça. Et qui arrivera au terme de 1335 jours, nombre mystérieux dont je n'ai pas la clé, donc je me garderai bien de spéculer sur ce nombre mystérieux, mais en tout cas ici Jésus ne s'arrête pas non plus sur ce nombre, il dit simplement celui qui attendra, celui qui espérera jusqu'à ce terme, eh bien sera sauvé. Donc ici l'idée d'une persévérance indispensable dans les temps derniers qui seront des temps difficiles. Ensuite il nous est dit, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça, c'est un des grands thèmes qui est aussi développé par les prophètes. Un signe de la fin, c'est que précisément cette Torah qui a été confiée au peuple d'Israël, eh bien, est finalement destinée à se répandre dans le monde entier. Et par exemple, nous avons un vieux commentaire du psaume 68. Le psaume 68 qui évoque notamment la théophanie du Sinaï. Et il nous est dit ceci, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et le commentaire rabbinique est le suivant. Le Seigneur dit une parole, là c'est on est dans le contexte de cette théophanie du Sinaï, où le peuple assemblé tout au pied du mont a entendu à haute voix, une voix audible de Dieu, qui a prononcé les 10 paroles, le décalogue. Et la tradition juive, commentant ce texte, nous dit ceci. Cette Torah, ce décalogue, a été donné dans un no man's land. La Torah n'a pas été donnée en Israël, c'est-à-dire dans le pays des Juifs. Il a été donné dans le désert du Sinaï, qui à cette époque-là n'appartenait à personne. C'était pas égyptien. Les déserts n'appartenait à personne parce qu'il n'intéressait personne. Donc, le désert du Sinaï était un no man's land. Pourquoi, nous dit la tradition juive, cette parole de Dieu a-t-elle été donnée dans ce no man's land, cette terre qui n'appartenait à personne? Parce qu'en dernier ressort, bien que la Torah ait en priorité été confiée au peuple d'Israël, elle avait pour destinataire toutes les nations. Donc, elle ne devait être donnée que dans un pays, dans un endroit qui était neutre, qui n'appartenait à aucune nation. Et la tradition juive dit ceci, lorsque le Seigneur a prononcé à haute et intelligible voix ces 10 paroles sur le mont Sinaï, eh bien, à chacune des paroles qui retentissaient, eh bien, c'était comme un marteau qui s'abat sur une enclume. Et un marteau qui s'abat sur une enclume provoque une gerbe d'étincelles qui se répand tout autour de l'enclume. Et la parole de Dieu, eh bien, se divisait en langues de feu, 70 langues de feu qui allaient vers toutes les nations de la terre. 70 nations qui sont évoquées dans le chapitre 10 du livre de la Genèse. Et ces paroles étaient traduites dans chacune des langues des nations, de telle sorte que chacune des nations pouvait entendre cette parole dans sa propre langue. Le Seigneur dit une parole, et cette parole qui avait été prononcée se divisait en 70 paroles qui étaient comme des messagères de bonnes nouvelles et qui se répandaient sur toute la terre. Leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre, si bien que toutes les nations ont entendu la Torah dans leur langue. Alors évidemment, c'est un midrash, ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Mais, disons, on a considéré que c'était une prophétie, et qu'un jour viendrait où, effectivement, cette Torah, qui pendant tout un temps avait été réservée au peuple d'Israël, atteindrait toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez ça aussi dans des textes comme Ésaïe 49, où le Seigneur s'adresse à Israël en lui disant « C'est peu que je t'ai appelé pour être mon serviteur, mais je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a aussi le chapitre 2 d'Ésaïe, où il nous est dit que les nations, au temps de la fin, pacifiées, désarmées, converties au Dieu d'Israël, monteront à Jérusalem en disant « Montons à la montagne du Seigneur pour qu'il nous enseigne sa Torah et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Pour que ce pèlerinage eschatologique des nations puisse avoir lieu au temps de la fin, il faudra tout d'abord que la Torah soit sortie de Jérusalem et aille jusqu'aux extrémités de la terre pour que les nations cherchent à en savoir plus et viennent à Jérusalem pour être enseignées dans la Torah. Autre texte aussi, c'est le psaume 2 que j'évoquais tout à l'heure, où il nous est dit que le Seigneur s'adresse au Messie et il lui dit « Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. » Et le commentaire de Qumran que j'évoquais tout à l'heure nous dit ceci, que le Messie donnera une deuxième Torah, et là nous sommes à fond dans notre évangile de Matthieu, n'est-ce pas, puisque l'évangile de Matthieu c'est la seconde Torah du second Moïse, le Messie, et que cette Torah, il la répandra à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, et que par la Torah, par l'intermédiaire de cette deuxième Torah, c'est-à-dire ce que nous appelons l'évangile, eh bien le Messie régnera sur toutes les nations, non pas par la violence, par la contrainte, mais par la douceur. Et que les nations accepteront ce joug de la Torah du Messie, parce que ce sera un joug doux et léger. On trouve ça aussi, bien sûr, dans l'Évangile. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger et mon fardeau est doux. » Mais, nous dit le commentaire, au temps de la fin, juste avant que le Messie ne s'asseye sur son trône, comme c'est aussi annoncé dans le psaume 2, Eh bien, ces mêmes nations qui ont reçu la Torah du Seigneur dans la joie, eh bien, la trouveront comme être un fardeau insupportable, quelque chose qui entrave leur liberté. Et c'est mai 68 que nous évoquions tout à l'heure, interdit d'interdire, parce que les lois de Dieu, eh bien, sont une entrave à notre liberté. Et ils diront, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes, ce sera la grande apostasie, et à ce moment-là, le Seigneur dira, eh bien, ça suffit, ils n'ont pas voulu de la Torah, disons, volontairement, ils l'ont rejetée, alors, eh bien, tu les briseras avec un bâton de fer, tu les mettras en pièces, comme un vase de potier. Ça veut dire que le Messie, à ce moment-là, régnera d'une manière autoritaire, non plus d'une manière qui sera volontaire, mais qui sera autoritaire. Ceux qui s'opposeront à la Torah du Messie seront brisés comme un vase de potier. Et cette idée donc d'une expansion de l'Évangile aux nations, c'est un grand signe eschatologique pour le Nouveau Testament. C'est aussi ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 24, quand le soir de Pâques, il apparaît vivant à ses disciples. Et il dit à ses disciples, qui sont surpris, il dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, à savoir qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui a été annoncé dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire les trois parties de la Bible hébraïque, la Torah de Moïse, les cinq premiers livres du Pentateuque, les prophètes et ensuite ce que Jésus appelle les psaumes, c'est-à-dire tous les livres qui ne sont ni la Torah ni les prophètes, à savoir les psaumes, les proverbes, les cinq petits rouleaux, etc., comme on appelle aujourd'hui les écrits ou les hagiographes. Et donc, ce qui était écrit, Jésus résume le message de l'Écriture, finalement. Il dit, à savoir que le Messie devait souffrir, nous avons vu tout à l'heure le thème des souffrances de l'enfantement messianique, ressusciter le troisième jour, et que comme conséquence de cet événement que serait la mort et la résurrection du Messie selon les Écritures, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voilà. Donc, l'expansion de l'Évangile aux nations était un signe eschatologique qui devait suivre la destruction du temple. Et c'est au bout de ce temps-là que, finalement, la grande apostasie que nous avons évoquée devait avoir lieu. Il est évident que cet événement, plutôt cette expansion de l'Évangile aux nations, prendrait un certain temps. D'où, justement, ce découplage que nous avons vu entre la destruction du Temple et de Jérusalem, et finalement, le retour en gloire de Jésus, ce que les disciples ont appelé son avènement et la fin du monde. Nous retrouvons ça, bien sûr, dans le livre des Actes, justement sur le mont des Oliviers, au moment où Jésus va partir, remonter dans la gloire. Jésus leur dit, eh bien, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Cette annonce de Jésus, eh bien, provoque une question des disciples. Les disciples étaient bien conscients que Jésus était le Messie, ça veut dire le roi d'Israël. Et par conséquent, qu'ils attendaient que Jésus, s'asseye sur le trône de David, comme l'avait annoncé l'ange Gabriel à sa mère, et règne sur Israël, rétablisse le royaume d'Israël. Dans leur esprit, c'est ce que Jésus aurait déjà dû faire à Pâques. Et ils attendaient à Pâques ce rétablissement du royaume d'Israël. Jésus ne l'a pas fait. Mais voilà que Jésus leur annonce que dans quelques jours, à savoir à la Pentecôte, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit est aussi, selon les prophètes, et notamment selon le prophète Joël, un des signes des derniers jours. Et cette promesse du Saint-Esprit provoque chez les disciples une question. Est-ce en ce temps-là, ça veut dire à la Pentecôte, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Tu ne l'as pas fait à Pâques, est-ce que tu vas donc le faire à la Pentecôte? Et Jésus dit, non, non. D'abord, ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments, mais ce ne sera pas non plus à la Pentecôte. Parce que cette puissance du Saint-Esprit que vous allez recevoir à la Pentecôte, elle sera pour vous une puissance pour que, par votre moyen, l'Évangile soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce qui a été annoncé par les prophètes et selon ce que nous trouvons ici dans notre texte. Il faut d'abord, avant que le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume de Dieu, soit rétabli et que Jésus revienne en gloire, il faut d'abord que cet évangile ait atteint les extrémités de la terre, et alors seulement viendra la fin. Donc ça, c'était un des signes importants que Jésus aussi a donné. Et maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir à la description de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, selon cette fois-ci le livre des Actes. Et la Pentecôte était une fête très importante dans le judaïsme, parce que c'était la fête du don de la Torah, justement, de cette théophanie du Sinaï que nous avons évoquée tout à l'heure. Et ce que Luc nous décrit dans le chapitre 2 du livre des Actes, c'est exactement ce que les rabbins ont imaginé qu'il s'est passé le jour de don de la Torah sur le Sinaï. D'abord, cet événement s'est produit sur une montagne, le mont Sion. Le mont Sion, qui devient une deuxième montagne sainte, un deuxième Sinaï. Et là, quelque chose des mêmes phénomènes qui se sont produits le jour de la première Pentecôte, c'est-à-dire la Pentecôte du désert, la Pentecôte du Sinaï, se produit. Un vent impétueux, un bruit, etc., un peu comme il y avait sur la montagne, qui était tout en feu, nous est-il dit, et puis il y avait des tonnerres, il y avait la tempête, etc., on retrouve ça. Et des langues de feu, semblables à ces langues qui, en principe, d'après le texte, le commentaire du chapitre 68 du livre des Psaumes, s'était produit, des langues de feu descendent sur chacun d'eux, et ils se mettent à annoncer les merveilles de Dieu dans les langues de toutes les nations qui sont rassemblées ici. Donc, nous sommes ici dans la perspective de la nouvelle alliance. La première Pentecôte a été la fête de la première alliance, et maintenant, comme Dieu l'avait annoncé par les prophètes, il fait une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est conclue avec le peuple d'Israël, parce que c'est ce qui a été annoncé. Voici, je fais avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, et non pas avec l'église des nations comme on l'interprète d'habitude. Je fais avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais, Jérémie 31:31, mais cette alliance, eh bien, Dieu l'ouvre aux nations maintenant. Et les nations peuvent entrer dans cette alliance qui est conclue avec Israël à titre individuel, par la foi en Jésus. Ce n'est pas en tant que nation qu'elles entrent dans cette alliance, mais c'est par la foi individuelle. Elles vont se trouver, comme le dit l'apôtre Paul dans le chapitre 11 de l'épître aux Romains, greffées sur l'olivier d'Israël. Greffées parmi ces branches qui sont celles justement de l'olivier d'Israël. Donc ici, c'est quelque chose d'essentiel, un des signes essentiels que Jésus annonce. Et par conséquent, il convient, là, Jésus donne cette chronologie, donc destruction du temple, commencement de la fin, destruction du temple qui sera contemporaine de cette annonce de l'évangile, tout d'abord à Jérusalem, parce que justement il est écrit « De Sion sortira la Torah ». Et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples « Restez à Jérusalem, parce qu'il faut que la parole sorte de Jérusalem ». Et les apôtres commencent à annoncer l'évangile à Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie, et comme l'avait annoncé Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Intéressant de noter que Paul suit le même processus. Et il nous explique dans l'Épître aux Galates qu'après avoir eu cette vision de Jésus sur le chemin de Damas, donc cette vocation qui est la sienne d'être l'apôtre des nations qui va porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il commence par revenir à Jérusalem après avoir passé 3 ans en Arabie pour être dans la présence de Dieu. Et là, il commence son ministère à Jérusalem et de là, il va vers les nations comme le Seigneur le lui a demandé. On a souvent reproché à Paul, et il y avait déjà de son temps des ultra-judaïsants dans l'Église qui voyaient la mission de Paul aux païens d'un très mauvais œil. Et ils accusaient Paul de négliger son propre peuple au profit des nations. Le salut du peuple d'Israël lui était, disait-il, indifférent. Paul s'en défend. D'abord en rappelant qu'il a toujours suivi cette règle que Jésus ici a évoquée, à savoir que l'évangile est d'abord pour le juif. Et partout où il allait, Paul commençait par entrer dans la synagogue du lieu et a annoncé l'évangile aux juifs. Et dans un deuxième temps seulement, il le faisait pour les grecs, pour les païens. Et dans l'épître aux Romains, il se défend justement de cette accusation en disant qu'en agissant de cette manière, en prêchant l'évangile aux païens, eh bien il ne faisait qu'une seule chose, exciter la jalousie de ceux de sa race, c'est-à-dire exciter la jalousie d'Israël. Ça veut dire que en annonçant l'évangile aux païens, cette évangélisation des païens ne jouait pas contre Israël, mais au contraire en faveur d'Israël, parce que plus vite on aurait atteint les extrémités de la terre, et plus vite le peuple d'Israël pourrait se tourner vers Jésus, et Jésus pourrait revenir. Et c'est pourquoi Paul est atteint, nous le voyons dans ses épîtres, dans le livre des Actes, d'une véritable, comment dirais-je, impatience eschatologique. Il se hâte d'évangéliser. Alors il a terminé l'évangélisation de la partie est de l'Empire, ce qui correspond aujourd'hui grosso modo à la Turquie, la Grèce, etc. Et ensuite, dans l'Épître aux Romains, il va se rendre à Rome, et de Rome en Espagne. Espagne, c'est l'extrémité ouest du monde, connue à l'époque. Donc, il compte atteindre les extrémités de la terre par l'Évangile pour hâter, justement, la fin, hâter le retour du Seigneur. Et maintenant, nous avons un texte extrêmement important, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, alors que celui qui peut comprendre le fasse, alors que ceux qui seront en Judée, etc., etc. L'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Et là, Jésus répond à la question des disciples, quel sera le signe? Le signe d'abord de la destruction du temple. L'abomination et la désolation. C'est effectivement une expression qu'on trouve dans 3 textes du livre de Daniel. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Et en hébreu, ça se dit « Shikus Meshomem ». Alors là, je suis un peu désolé, je vais être obligé d'être un peu cru, mais la Bible l'est aussi parfois. Chikoutz en hébreu, ça veut dire une crotte. Ça veut dire quelque chose de répugnant, quelque chose d'abominable. Et c'était un mot très désobligeant, évidemment. C'est un peu l'équivalent, excusez-moi, de notre mot de cambronne. Les Juifs l'employaient quand ils parlaient de l'idolâtrie des païens. L'idolâtrie des païens, c'était pour eux aussi répugnant que des excréments. Et parler ici d'une abomination, d'un chikoutz qui doit être établi dans le lieu saint, ça veut dire de manifestations idolâtres qui vont avoir lieu dans le lieu le plus saint du peuple d'Israël, c'est-à-dire sur le mont du Temple, qui sera profané et qui sera détruit. On sait que, effectivement, c'est ce qui se passera en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains s'empareront de Jérusalem. Et ici, aussi bien Matthieu que Marc ne nous disent pas ce que c'est que cette abomination. Cette abomination, elle a déjà eu lieu, disons, en 165 avant Jésus-Christ, lorsque le roi impie, le roi grec Antiochus IV Épiphane, a profané le temple de Jérusalem et dressé une statue de lui-même dans le lieu très saint. Évidemment, ça a été une abomination suprême pour les Juifs. Maintenant, évidemment, cette prophétie a eu à ce moment-là un premier accomplissement. Jésus le savait parfaitement. Mais Jésus nous dit que, bien que cette prophétie de Daniel ait eu déjà un accomplissement, elle en aura un deuxième, dans l'avenir, dans le futur. Et il est intéressant de noter aussi que dans les trois apparitions de cette expression dans le livre de Daniel, dans les trois fois, il y a dans le texte hébreu une faute d'orthographe. Et jamais la même. Dans les trois apparitions de l'expression « Chikoutz Meshomem », il y a une faute d'orthographe qui n'est jamais la même. Et les rabbins, évidemment, ont dit que le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture ne fait évidemment pas de faute d'orthographe. Et quand il y a des fautes d'orthographe dans la Bible, et ce n'est pas le seul endroit où il y en a, ça veut dire que cette faute, elle cache un secret messianique. Et il est intéressant de noter que Matthieu et Marc, qui sont les seuls à évoquer cette abomination dont a parlé le prophète Daniel, Luc ne le fait pas. Eh bien, dans aussi bien Matthieu que dans Marc, dans le grec cette fois-ci, puisque cette expression est traduite en grec, comme le reste du Nouveau Testament, nous avons une faute d'orthographe en grec. Ça veut dire que les évangélistes savaient parfaitement bien que dans l'original hébreu, il y avait une faute d'orthographe. Et cette faute d'orthographe, ils l'ont reproduite fidèlement en grec. Et il y a cette incise que nous avons lue tout à l'heure, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça veut dire, on cherche à attirer l'attention du lecteur et de lui dire, attention, cette faute d'orthographe que vous discernez là, elle n'est pas accidentelle, elle est volontaire, parce qu'il y a un secret messianique qui est caché dans cette faute d'orthographe. Or, le prophète Daniel a dit ceci à la fin de son livre, l'ange lui a dit, c'est un secret qui est scellé jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et des hommes sages comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Et si les évangélistes reprennent cette idée du livre du prophète Daniel, c'est un texte mystérieux, et seuls des gens qui sont animés de l'Esprit de Dieu, qui sont sages selon la sagesse de Dieu, au temps de la fin comprendront le sens de cette faute d'orthographe. Or, justement, c'est Luc qui nous en livre le secret. Lui n'emploie pas cette expression « abomination et désolation », mais au même endroit, il dit ceci « Mais quand vous verrez Jérusalem investie par des camps militaires, là, ce sera le signe que sa désolation est proche. » Et là, il emploie le même mot. Désolation, méchomème, ça veut dire désertification, ruine totale. Ça veut dire, le temple sera détruit, sera ruiné. Et aussi bien Luc que les autres évangéliques élisent disent ceci. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, ne vous imaginez pas que c'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 14 que nous avons évoquée tout à l'heure, à savoir qu'au temps de la fin, quand Jérusalem sera investie par les armées, le Messie descendra pour empêcher la ruine de Jérusalem. Cette fois, Jérusalem sera condamnée. Et voyez-vous, les Zélotes qui avaient suscité la grande révolte contre les Romains pensaient que, évidemment, le peuple juif ne pouvait pas espérer vaincre l'immense empire romain, c'était complètement insensé. Mais on espérait que quand Jérusalem serait menacée de destruction, c'est la ville sainte, c'est le temple de Dieu. Dieu ne permettrait pas que ni le temple ni Jérusalem ne soient détruits. Et par conséquent, Dieu enverrait le Messie. Et jusqu'au dernier moment, nous dit Flavius Josèphe, qui nous raconte cet événement dramatique, eh bien, jusqu'au dernier moment, on attendait la venue du Messie. Et Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas trompés par ces gens qui seront en réalité des faux prophètes. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ne vous imaginez pas que mon retour est proche. Au contraire, Jérusalem sera détruite. Ses habitants tomberont sous le tranchant de l'épée. Les survivants seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem, pendant un long temps, sera foulée aux pieds par les nations. Ça, c'est l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Cette ruine de Jérusalem. Et ce sera aussi le temps de l'évangélisation des nations. Pendant tout le temps où le peuple d'Israël sera en exil, eh bien, les nations auront l'occasion d'entendre l'Évangile par la prédication des apôtres et de leurs successeurs, jusqu'à ce que prenne fin ce temps. Et ici, le texte nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Il nous dit que ce sera une détresse telle qu'il n'y en a, il n'en a jamais eu et il n'y en aura jamais. C'est tiré aussi du livre du prophète Daniel, du chapitre 12. Et Jésus ici assimile ce temps qui commencera par la destruction du temple et par les atrocités qui vont marquer la ruine du temple par les Romains. Et les sources juives nous disent que les Romains se sont comportés véritablement avec une barbarie absolument inouïe au moment de la prise de Jérusalem. Barbarie qui, toute proportion gardée, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens techniques qu'avaient les nazis, était semblable à celle d'Hitler. Les Romains se sont comportés exactement comme Hitler. Et ce temps de détresse marquera toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis la ruine du temple jusqu'à l'intervention de Dieu, jusqu'à ce que le temps des nations prenne fin et où la domination de Jérusalem par les nations aura cessé. Et si ces jours n'étaient abrégés, dit Jésus, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. C'est un texte qui est tiré d'Ésaïe 61, où il est dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et Jésus dit, après ces jours-là, alors, effectivement, ce sera le retour. ce sera le retour du Messie en gloire. Il viendra avec beaucoup de puissance et de gloire. Je passe très vite parce que je vois que l'horloge aussi passe très très vite, tourne très très vite. Et on va avoir un petit temps de discussion si vous êtes là-dessus. Mais ici, Jésus dit ceci, personne ne pourra déterminer l'heure de son retour. Et il a dit aussi aux disciples, Rabbi, en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël, ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et Jésus va donner des avertissements en disant, eh bien, ce qui sera important dans ce temps-là, eh bien, c'est de savoir que l'été est proche. Le retour d'Israël dans son pays, après ce long temps de détresse, et notamment après ce qui sera le maximum de ce temps de détresse, nous le savons parce que nous vivons après ces choses-là, ce qu'on appelle la Shoah, eh bien, là, ce sera le temps où le Seigneur, le retour du Seigneur sera imminent. Seulement, on ne pourra pas le déterminer. Il faudra être comme l'agriculteur qui ne sait pas quand l'été va venir. Parce qu'en Israël, on a un très très court printemps qui peut aller de quelques jours à quelques semaines. Si bien qu'on ne peut pas savoir quand l'été va venir. Mais quand on voit les premiers arbres bourgeonner, ce qui est le cas déjà maintenant, c'est fait, ça a commencé un peu déjà il y a quelques semaines, on sait que à partir de maintenant, l'été peut venir à tout moment. Alors, pourquoi le figuier ? Le figuier n'est pas le premier des arbres qui fleurissent, c'est l'amandier en Israël. Mais parce que le figuier est cité dans le Cantique des Cantiques. Le figuier fleurit, l'hiver est passé, la pluie s'en est allée. Et le livre des Cantiques des Cantiques est considéré dans la tradition juive comme une parabole sur la venue du Messie au dernier jour. Ce sera le printemps. Ce sera le mariage entre le Messie et le peuple de Dieu, donc l'épouse. Et donc, c'est à la végétation qu'on se rendra compte. Et un autre, c'est le figuier et tous les arbres. Quand ils fleurissent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et ensuite, il cite le psaume 102. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et ensuite, des avertissements à la vigilance. C'est quelque chose qui viendra dans la nuit. Ensuite, on a des paraboles qui, dans les autres évangiles, sont dispersées dans les autres évangiles, à savoir la parabole du mauvais serviteur qui dit mon maître tarde à venir, qui se met à prendre du bon temps, la parabole des vierges et la parabole des brebis et des boucs, et qui se termine par cette exhortation, veillez et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là, on a quelques minutes pour des questions. Donc sur ces textes qui en demanderaient certainement beaucoup, mais on va essayer de faire le maximum. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la destruction du temple, c'est celle qui a eu lieu en 70 après Jésus. Pardon, de la destruction du temple. Oui. C'est celle qui a eu lieu en 70. Évidemment. D'accord. Évidemment. Et Jésus dit une chose intéressante, là on l'a vu, c'est que cet événement ne se reproduira plus jamais. Donc ici, le retour d'Israël dans son pays à l'heure actuelle est le dernier retour. Il n'y aura plus d'autres dispersions, il n'y aura plus d'autres génocides du peuple d'Israël. Et j'ai juste une petite information, c'est vous avez parlé de l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Il y a un livre qui s'appelle La tentation de l'homme-dieu, et qui explique ça, qu'on veut en finir avec nos limites, devenir éternel. Et... Ouais. Dans les évangiles, alors, dans Luc et dans Matthieu, mais surtout dans Luc, quand on parle justement de toute la. Qu'il va y avoir une persécution, que les gens qui sont sur un toit ne doivent pas les sentir prendre la tête, etc. Tout ça, ça, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, qui a eu lieu? C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Au moment où Jérusalem a été détruite. Absolument, absolument. Voilà. Et là, justement, on a toujours tendance à prendre des prophéties pour nous, on oublie qu'il y a déjà de très nombreuses prophéties qui sont déjà accomplies. Et ce qui s'est passé, justement, ça c'était un texte qui a été très important pour l'Église ancienne, qui était à Jérusalem, parce que, donc, Jésus avait dit, eh bien, si vous êtes hors de Jérusalem, surtout n'y retournez pas. Si vous avez des choses à Jérusalem, des biens à Jérusalem, ben tant pis. Faites votre deuil de ces biens que vous avez à Jérusalem, parce que c'est votre vie qui est en jeu. Si vous pouvez quitter Jérusalem, faites-le à n'importe quel prix. Malheur aux femmes enceintes, à celles qui allaiteront, parce qu'une femme enceinte accouche pas vite. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, parce que les chemins sont détrempés et difficilement praticables. Donc, voilà. Et Eusèbe de Césarée, qui est l'historien de l'Église ancienne, nous raconte que, de fait, en 68 après Jésus-Christ, il y a eu une révolution à Rome. Néron a été assassiné, et donc la guerre civile a éclaté pour la succession de l'empereur. Il y avait trois candidats, Galba, Othon et Vitellius, qui se sont disputés le trône impérial, et les légions d'Orient, qui étaient en train d'assiéger Jérusalem, ont proclamé leur général Vespasien impérator. Et Vespasien a levé le siège de Jérusalem pour marcher sur Rome et pour s'emparer du trône impérial. Et il y a eu, par conséquent, une levée du siège de Jérusalem pendant quelques mois. Et là, il y a eu, nous dit Zèle, une grande discussion parmi les disciples de Jésus qui étaient à Jérusalem. Est-ce que c'est la délivrance, comme le croyaient les Zélotes? Jérusalem est délivrée, Dieu est intervenu. Et par conséquent, est-ce qu'il faut maintenant rester à Jérusalem? Et d'autres se souvenaient de la parole de Jésus. Dit, fuyez. Et les plus perspicaces parmi l'Église de Jérusalem se sont dit, c'est Dieu qui a permis cet intermède pour que nous, son Église, nous quittions Jérusalem et nous soyons sauvés. Et la plus grande partie de l'Église de Jérusalem a quitté donc la ville, s'est réfugiée à Pella en Transjordanie et a échappé au massacre final parce que quelques mois après, quand il a pris le trône impérial, Vespasien a envoyé son fils Titus pour achever le siège de Jérusalem. Et là, ça a été la catastrophe. Les chrétiens, les juifs chrétiens qui sont restés à Jérusalem ont été massacrés comme les autres. Oui. Moi, je voudrais vous demander sur deux mots. Vous aviez un mot hébreu, le mot « etzara », là-bas, et après le mot « iniquité » en grec. Mais sur le mot « etzara », donc c'est une période de temps longue et pas déterminée. Non, je n'ai pas déterminé. Donc c'est le mot duquel on a tiré le mot tribulation en fait. Voilà. Donc c'est une question où on fait l'amalgame des fois, ou comme vous avez parlé tout à l'heure des jours, d'un nombre de jours, mais en fait c'est symbolique, et le mot etzara ne détermine pas, on voit que c'est long dans le temps, c'est long. Dans l'espace, donc voilà. Les douleurs ont commencé à la destruction du temple, voilà. Et s'achèveront à la venue du Messie, voilà. Au retour en gloire. Quand il viendra enlever son église. Exactement. Donc on Exactement. Est dans cette période, et nous on voit qu'on est à la fin par rapport à tous les éléments que vous nous avez apportés. Alors il y a un point aussi sur lequel je ne me suis pas arrêté, qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ils rassembleront les élus des quatre extrémités de la terre. Et à cet endroit-là, vous avez chez Luc une autre leçon, comme on appelle en exégèse, c'est-à-dire une autre parole de Jésus, dit ceci, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire, il y a, Jésus ici a annoncé deux rassemblements. Un, le rassemblement des Juifs dans la Jérusalem terrestre, et deux, le rassemblement des élus, c'est-à-dire de l'Église, dans la Jérusalem céleste, au son du chauffard. Et c'est contemporain, quoi. C'est contemporain, avec la différence que le rassemblement des Juifs à Jérusalem, ça se fait sur un certain temps, tandis que, comme le dit l'apôtre Paul dans les Épîtres aux Thessaloniciens, le rassemblement des élus se fait en un instant. Bien sûr, tant qu'à la fin du temps des nations, à la fin dans Israël, le grand signe, voilà. Qui est qu'Israël revient voilà. Dans son pays. Quand les extrémités de la terre ont été atteintes, par conséquent, la plénitude des nations est atteinte, comme le dit l'apôtre Paul, et il n'y a plus de raison que l'Église reste sur place, elle est donc rassemblée dans la gloire. D'où le retour des même des 10 tribus perdues d'Israël, qui fait. Rentrent et qui disent, bon, c'est les pécheurs qui réagissent. Tout à fait. Tout à fait. Et donc pour le mot iniquité, je te reviendrai là-dessus. Oui. Le mot iniquité, donc c'est le péché, mais c'est aussi, moi j'ai une Stern, la version Stern, et qui l'a traduit et par l'abandon volontaire de la Torah, l'éloignement de la Torah. Quand l'iniquité sera accrue, donc j'ai vu dans la Strong, dans le code Strong, l'abandon de la Torah en fait. Est-ce que c'est pas par rapport à la substitution et tout ça? Ça, c'est, c'est plutôt apostasia. Là, on a le mot amartia en grec. Ça correspond au mot avon en hébreu. Oui, c'est ça. Et même, oui. Ça, c'est synonyme de péché, là. Il n'y a pas, pas de nuance vraiment. D'accord. Oui. Okay. Merci. Il est dit que, comme il dit le jour ni l'heure, il dit aussi que prier pour que ça n'arrive pas lorsqu'il y aura de la pluie et du l'hiver. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut considérer qu'il y a une certaine influence du chrétien, de l'homme qui prie Dieu pour que ce soit un moment acceptable. Oui, bien sûr. On peut influencer sur les événements. C'est pas des choses qui sont, comment dirais-je, figées, quoi, hein. On peut influencer. Les choses s'accompliront, mais disons, si on prie et si l'on est fidèle, les douleurs seront moindres que si on ne l'est pas. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Oui, il y a une question là-bas. Oui, bonsoir. J'ai une question. Au verset 29, il dit qu'après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, oui. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances seront ébranlées. Oui. Alors, je veux savoir, il s'agit de phénomènes cosmiques ou phénomènes cosmiques. C'est une idée qui est reprise des prophètes, à savoir que l'apparition de Dieu au dernier jour, ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel, donc c'est une théophanie. Et donc une manifestation de Dieu. Théophanie, c'est un mot. Théo, Dieu, donc Dieu qui se manifeste, qui apparaît. Et l'idée, c'est que le péché de l'homme a touché toute la nature. C'est toute la nature qui a été atteinte par le péché. Et finalement, au dernier jour, quand le Seigneur apparaît dans sa gloire, donc en même temps dans sa sainteté, eh bien, si vous voulez, les hommes donc rendront l'âme de terreur, se cacheront dans les cavernes des rochers en disant montagne tombée sur nous, etc. Parce que justement, ils auront conscience de leur péché, ils auront conscience que celui qui vient sur les lignes du ciel vient en réalité comme leur juge. Mais la nature elle-même, atteinte par le péché de l'homme, va trembler devant son juge. D'où le fait que les montagnes seront ébranlées. Et même les étoiles tomberont du ciel. Et on sait aujourd'hui dans le passé, il y a déjà eu des phénomènes de ce type-là, des météorites qui tombent du ciel et qui provoquent des catastrophes en Sibérie ou ailleurs, et des recherches récentes sur le plan de l'astrophysique ont montré qu'on n'est pas à l'abri d'une collision avec soit une météorite, soit avec une comète éventuellement qui pourrait aussi percuter la Terre et provoquer des catastrophes terribles. Une question de René sur Skype. Doit-on s'attendre à un nouveau siège de Jérusalem par certaines nations, comme l'Apocalypse laisse à penser, avant le retour du Messie, et avec quelles conséquences pour le peuple juif? Oui, tout à fait. Évidemment, ce qu'avait été l'espérance des Zélotes, qui se basait sur le chapitre 14, de Zacharie, où toutes les nations s'assemblent contre Jérusalem et, pour empêcher la catastrophe, le Seigneur envoie du ciel le Messie, les Zélotes pensaient que ce serait de leur temps. Et Jésus dit non, ce ne sera pas de votre temps, ce sera dans un autre temps. Et effectivement, le retour d'Israël, selon Zacharie, dans son pays au temps de la fin, provoquera la colère des nations parce que ce sera une pierre pesante pour toutes les nations. et toutes les nations se rassembleront contre elle, mais cette fois-ci, le scénario sera différent de ce qu'il a été en 70, parce que Jérusalem ne sera pas détruite, mais là, de fait, le Messie reviendra sur le mont des Oliviers pour délivrer son peuple. Bien, une ou deux questions encore, et puis on va arrêter. Oui, dans le verset 30, il est dit « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Oui. » Quel est ce signe ? Le signe du Fils de l'homme, apparemment, c'est le fait justement que le Seigneur apparaîtra d'une manière visible, comme l'éclair va de l'Orient à l'Occident, dit Jésus, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, tout œil le verra, etc. Oui. Mais, enfin, je n'ai jamais fait attention à ce verset, que ça a l'air d'être un signe particulier, on n'a pas c'est possible, d'autre... C'est possible, mais on n'a pas d'autre éducation. Voilà. On n'a pas d'autre éducation. Donc, peut-être qu'effectivement, un signe à vos coureurs, on ne sait pas. La croix qu'a vu Constantin. Ça m'étonnerait. Oui, je pense aussi. Oui, une question par rapport au retour en gloire, par rapport à Israël. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, je crois qu'il est dit, ou au chapitre 12, il est dit que tout Israël se convertira lorsque le Messie viendra à Sion. C'est ça ? Oui. Qu'en est-il aujourd'hui du salut d'Israël en dehors du Messie avant le retour en gloire ? Il n'y a pas de salut possible pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Qu'ils soient juifs ou non juifs. Ça, c'est parfaitement clair. La corruption dans le temps, c'est un signe essentiel. La corruption dans le temps ? Oui. C'est pas la corruption qui est... Oui, effectivement. L'abomination, oui. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Est-ce que le temple sera reconstruit ? Est-ce que c'est symbolique ? Mais, encore une fois, l'abomination et la désolation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'est réalisé en 70. Lorsque le temple a été détruit et que le peuple d'Israël a été dispersé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose qui est à partir dans lequel nous sommes encore d'une certaine manière, puisque à l'heure actuelle, le mont du temple est encore foulé aux pieds par les nations. Donc c'est quelque chose qui est en cours en réalité. Nous vivons ce temps d'abomination et de la désolation. Merci. Bien, dernière question, on arrête là. Constant, une question, excusez-moi, elle n'est pas par rapport au sujet de la soirée, mais oui. Je me permets de vous la poser parce que je l'ai écouté sur l'un des CD. C'est ça. Sur l'un des études que j'ai entendues, vous parliez, en ce qui concerne les apôtres, oui. En particulier de Jacques, qu'on appelle, on a coutume d'appeler le mineur. Oui. Et je vous entendais dire que ce Jacques était celui qui était le frère du Seigneur. Oui. Donc, je n'avais jamais entendu ça. Donc, est-ce qu'il y a des références, quelque chose peut-être ? Ah oui. C'est cité lorsque Jésus vient, plutôt la mère et les frères de Jésus viennent pour. Parce qu'ils croient qu'il est fou. Et donc, est cité en premier Jacques. C'est le cadet, celui qui vient juste après Jésus dans la famille. Vous avez ça aussi dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, quand Paul dit ceci, parlant des apparitions de Jésus. Ensuite, il est apparu à Jacques. Ça veut dire, Jacques a été l'objet d'une révélation spéciale de son frère, parce que, comme le dit l'apôtre Jean, jusqu'à la résurrection, ses frères ne croyaient pas en lui. Et ensuite, les sources qui sont extra-bibliques nous parlent de Jacques, donc aussi comme étant celui qui était, on l'appellera comme on veut, le pasteur ou l'évêque de Jérusalem, le chef en quelque sorte de l'église de Jérusalem. Et vous retrouvez ça aussi donc dans l'épître aux Galates, où Paul parle de ceux qui sont considérés comme des colonnes de l'église, Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques le majeur, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fils de Zébédée, a été décapité par Hérode Agrippa Ier, donc comme on le lit dans le début du livre des Actes, donc le Jacques qui suit ensuite est forcément le Jacques le mineur. Et le Zeb aussi le cite comme étant effectivement le premier des évêques de Jérusalem, c'est ce qu'il appelle les évêques épiscopos. Bien, on va en rester là. Et la prochaine fois, donc, on verra la passion selon Matthieu.